se li men mwen, se spwa mwen, se chi men mwen, Jezi. Je ve la men mwen, fe mwen travesse lan mouve. Je ve la men mwen, fe mwen travesse lan mechon. Mwen touve la fos, mwen touve kouraj pou mwen peni. Fais-moi traverser en l'âme mauvais. Ou tu es belle en même moi, fais-moi traverser en l'âme méchant. Moi trouver la force, moi trouver courage pour m'en bénir. Moi trouver courage, moi trouver la force pour m'en glorifier. Ou tu es belle en même moi, fais-moi traverser en l'âme méchant. Malgré toute jalousie, yo.